2. Écoutez et complétez. J'aime bien le dimanche. D'abord, je me lève tard, à 9h, 9h30. Je déjeune tranquillement, j'écoute la radio. Après, je vais faire les courses. On déjeune en famille. Mon frère et sa copine viennent souvent déjeuner à la maison le dimanche. Et l'après-midi, on sort, on va se promener dans la forêt, ou on va au cinéma, ou on reste dans le jardin, on bavarde.